sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Donc c'est Hinter Brison Aigle, l'émission 360, et aujourd'hui c'est le mot Héri, a dit Henri. Héri, oui. Alors c'est un nom de moi, et comme on est en octobre, je me suis dit que ce serait pas mal d'en parler. Alors c'est le, comme son nom l'indique, c'est le, en français, octobre, c'est le huitième mois de l'année romaine, qui commençait au 1er mars. Alors maintenant il y a un décalage, puisqu'on est au dixième mois. Alors, donc, on trouve dans ce mot octobre, en français, la racine octo, qui veut dire huit, comme un octogénaire, un octosyllabe, par exemple, les vers à huit pieds. Voilà. Et donc, en gallo, d'ailleurs, on prononce plutôt octobre, un peu comme en italien, ottobre en italien, le C et le T se confondent pour faire un T. Ah oui. Oui. Et alors, donc c'est un mois d'automne, en breton on dit Diskaramzer, enfin on dit assez récemment Diskaramzer, puisqu'autrefois il n'y avait que Han et Guan, donc c'était le début de l'hiver, ou c'était le début de l'hiver en fait. Maintenant on dit Diskaramzer pour l'automne et Neveramzer pour le printemps, voilà. Donc, alors en breton, le mot héré désigne à la fois le mois d'octobre et l'époque des semences. D'ailleurs, il y a une édition d'ouvrage qui est néréen, un éditeur néréen. D'accord. Que c'est néré qui, dans ce cas-là, désigne la période des semailles, en fait. D'ailleurs, on trouve ça dans pas mal d'expressions, par exemple. Autrefois, il y avait Yar Heere, c'était la poule des semailles, c'était le fricot qu'on faisait à la fin des semailles pour fêter. Ce serait pas mal, ça, de refaire, tiens, Yar Heere, faire un fricot pour fêter la fin des semailles. Les occasions sont bonnes. Ouais. Alors, il y a beaucoup de dictons qui concernent les semailles au mois d'octobre. Par exemple, sème ton blé à la Saint-François, tu auras du blé de bon poids. La Saint-François, Zandfanche, le 4 octobre. Et il y a beaucoup de dictons comme ça qui concernent les semailles à ce moment-là. Voilà. Alors, l'origine du mot, qu'on trouve aussi en gallois et en cornique, ce serait, d'après Albert Dehay, un raccourci d'un mot qui désignait le brome du cerf. D'accord. L'époque, donc c'est l'époque du brome du cerf aussi, quoi, qu'on va écouter le soir au fond des bois. Alors, le mois d'octobre est plein de festivités. C'était une grande période pour les foires en particulier. C'est-à-dire, ça commence à la Saint-Michel, juste avant, le 29 septembre, et puis ça va jusqu'au lendemain de la Toussaint, et la dernière foire, c'était Plaisidie. D'accord. Et alors, oui. Bulat est bien plus tôt, non? Ah oui, Bulat aussi, oui. Alors Bulat effectivement est un peu plus tôt, puisque c'est au moment de c'est le premier lundi après le 8 septembre, qui est la naissance de la Vierge. Et donc, effectivement, Bulat est plus tôt, quoi. Mais c'était vraiment... Il y avait une grande époque de foires à ce moment-là. Par exemple, toutes les foires de la Saint-Michel, enfin, c'est encore en septembre. Les foires de la Saint-Denis. Saint-Denis, c'est le 9 octobre, comme la foire de l'Henri-Vin, par exemple. C'était le jour de la Saint-Denis, le 9 octobre. Alors, c'était une des... C'est la foire qui a duré le plus longtemps. À l'Henri-Vin, il y avait 5 ou 6 foires, grandes foires par an. Oui, c'était très renommé pour les foires, mais il y a longtemps, c'était avant la Révolution. Et donc, la dernière qui a tenu le coup, c'était voir la Rione Grosse. Et voir la Rione Grosse, c'était le 9 octobre, le jour de la Saint-Denis. D'accord. Comme beaucoup de foires un peu partout en France et en Europe. Et donc, il y avait quelqu'un, je me souviens, on disait qu'il était allé plus de 100 fois à la vieille foire de l'Henri-Vin, ce qui était évidemment impossible. Et sauver Spen Kant que je vais voir la Rione Grosse. Et puis il y avait la foire de Kerien aussi, donc le 24 octobre. Alors aujourd'hui elle est fixée le troisième samedi d'octobre, parce que maintenant les gens ont un congé le samedi. Autrefois, les gens prenaient un congé quand ils voulaient. Et donc, la foire, c'était toujours le 24 octobre. D'accord. C'est pour ça que les foires, d'ailleurs, dans l'ancien temps, les foires, il y avait pas mal de pardons, d'ailleurs, étaient à des dates fixes. Mmh. Alors que maintenant, on met le dimanche le plus près de la date, quoi. Voilà. Alors, il y a beaucoup de saints, évidemment, qui sont célébrés au mois d'octobre, comme Saint-Ivy, par exemple, le 6 octobre. Et alors, quand on parle des semailles, il y a la protectrice des semailles, c'est Sainte-Geneviève, qui n'est pas fêtée en octobre, mais qu'on implorait souvent au mois d'octobre, car elle est la protectrice des semailles, Sainte Genoveva en breton, souvent abrégée en Vefa. Vefa, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore des semailles? Ah oui, un petit dicton sur les semailles. Mappes harde don dornat, oui, zero or valsat. Si tu as semé une poignée, tu ramasseras une fauchée. Oui, alors c'est le contenu du coup de faucille, en fait. Voilà. Et puis, le mois d'octobre, c'est un mois de 31 jours. Donc, il se termine le 31, bien sûr. Et alors, il y a beaucoup de dictons sur cette fin du mois d'octobre. Par exemple, dans le Pays Gallo, on dit « Quand octobre est à sa fin, la Toussaint est au matin. » Et puis, en breton, on dit « Peve edem misheir et anihent, edem misheir et anihent, benaroise mangolen olzen. » C'est-à-dire, voilà, le mois d'octobre est parti en sa route et demain ce sera la Toussaint. Et ben voilà un petit tour d'horizon sur Misere. Très bien, merci Henri. Et donc, aujourd'hui, nous sommes retournés à la chapelle Saint-Hernin, voir Iwan. Et donc, c'est Chani qui est allé voir Iwan Brise. Et donc, on va les écouter. Ah, Pegen Brun et Diabar sa chapelle. Where live et qu'est, Rezo? Ya, Rezo zo begret gant Hubert de Sainte-Marie, bah, Kintin. Voilà le rite, en me manzant de Veltas, gant Iglor, en manzant de Corneli, patron de Londe Cornec. Ah, aimant, pioué? Ah, aimant et zantil tut. Aux zantil tut, mi retot tut, velvecan de bakwadou. A grandement, e manzant de zanon, au tiski len di mer, e wer a zvari. A grand-mère et mon squelette en terre, Roisse? Ah, ya, il est Mester Chapelman. A pesser l'onde d'azot, t'as dent? Ah, au louan à gobleille. Gouderit, zanderne, zo mesoire blazy, à galerne. A grand auteur en main, azo ker? Ah, ya, qui zé le doigt bide, gonner vreudeur morvan. Gonner vreudeur morvan? Ah, ya, mais n'est que d'or gandérien. Raymond e vévé, quand de l'assaut. Babulat. Ah, qui zé le narine en pardoigne, à n'une guette calze draou. Met goteille, cleveranzo, rue Madel, automne. On passe à la traduction. On passe à la traduction, donc, de ce Brézon Acte en Matambre 360. Chanique demande... Enfin, demande, non, elle s'exclame. Pegan Brau et Diabar sa chapelle, guer livet keirazo. Ah oui, Pegan Brau et Diabar sa chapelle. Que l'intérieur de la chapelle est beau, en fait. Guer livet keirazo, il y a de beaux vitraux. Ya, arrêtez au Bégret, gand Hubert de Sainte-Marie, bah Quintin. Oui, ceux-là, donc ces vitraux-là, ont été faits par Hubert de Sainte-Marie, Bakintin. Hein, Hubert de Sainte-Marie était un vitrailliste très connu qui a fait beaucoup de vitraux dans le pays ici. Hein. Gwellerit, en man et man en Weltas, Gandiglor. Yeah. Alors, bon, vous voyez, puisqu'il la vous voit, hein, ici, il y a Saint-Gilda avec sa cloche. Le symbole de la cloche. Je ne vais pas expliquer pourquoi, parce que ce serait trop long. D'accord. En main et main, Sainte Cornélie, patron à Londres de Cornec. Alors, ici, Saint Cornélie, le patron des bêtes à cornes. À Hémant Pioué, demande Chanique. Et celui-là, qui c'est? Hémant et Zandildut. Aux Zandildut, Mirette au Tut. Vous avez Cornet Bocquadou. Hémant et Zandildut. Celui-ci, c'est Saint-Ildut. Et alors, il entonne un peu le refrain de Zandildut, hein, comme on le chante à Quadou. Aux Andildud, Mérède au Tud, donc oui, garde... Oui, aux Saint-Ildud, gardez vos gens, hein. Oui. Au Tud, vos gens, quoi. C'est-à-dire, protégez-nous, quoi, oui. De tous les maux de la terre. En main et ma Santézana, au Tiskilneng, dit mère. Au Weresvari. Au Weresvari. En moment, Santézana, ici, il y a Sainte-Anne, au Tiskilneng, dit mère, qui apprend à lire à sa fille la Vierge Marie. C'est une représentation très habituelle de Sainte-Anne. À Gaumont et Mansquedens en terre, Roisse. Et ici, il y a encore la statue de Saint-Ernin, parce qu'on en a déjà vu une à l'extérieur. Ah, ya, elle est maître à chapelle. Ah, bah oui, il justifie. Ah, oui, lui, il est le patron de cette chapelle. À Pessor Londres aux Otaldans. Et quelles sont les bêtes à côté de lui, à Pessor Londres aux Otaldans? Un loup, hein, à Gerblay. Un renard et un loup. Gouderit, Zandern, Zo, Mess, Warablay, Agalern. Voilà, vous savez, hein, Saint-Herb est le maître Warablayzi, Agalern, donc sur les loups et sur les renards. Alors, ça marche évidemment en breton, ça ne rime pas en français. Lern rime avec Saint-Herb. Hein. Voilà. Un grand auteur en main à Zocker. Oh, et l'hôtel ici est beau. Ya, qu'ils aient des bêtes dans le Vreudeur Morvan. Oui. Dans la Vreudeur Morvan. Oui, il a été sculpté par les frères Morvan. Gandar Vreudeur Morvan. Alors elle s'étonne évidemment. Ya, mais Nekedar Gandarien. Oui, mais ce ne sont pas les chanteurs. Arrêtement à VV, Candelaroc. Candelaroc. Oui, il s'est trompé d'ailleurs, il a dit Candelasso, mais c'est Candelaroc. Cela vivait 100 ans avant. D'accord. Babulat. Babulat, oui. Kizelerien en part à Brudet. Oui. Oui, c'était des tailleurs de pierre. À Kizeller, il y en a des sculpteurs compétents, hein, bien doués, en part, hein, et célèbres, Bru de Douagne. Mais Gauthier, Cléveron, Rumat, Tudel, Outong. Mais attendez, j'entends un autre groupe qui arrive, parce que c'est les journées du patrimoine, donc, donc il va aller guider ces gens qui viennent d'arriver. Et voilà. Et ce sera terminé pour la visite de la chapelle Saint-Herne. Troisième partie d'émission, Eri Petra zone Vervro. Petra zone Vervro, calze draw et vel juste boire vej diouzan. Krogom de dientan gant de l'arbre douar, agar vue war armez et vel custum. Tramène des bremen un an, et ruyon bremen ben 10-40 ans. Presti que vaut un houls de zérie maïs aga betraves, de gant bouet de londe pas de gouan. Calze dut, eus omi blanc roise bavoir vulat. À Balocarn, un des elfes, oua, ur foire mot de cause en temps, à gazis au bécal de dut. À Prestic, vous, voire Djerien, à guénon vos gouel, cal de dut, à cal de londe, ouas. À cal de diezac, traitol. Ba mur, aux obédives et au revoir, gouelerez au cal de voir et au bavro, ba voir biozone, zobécrou et seisla ou arnugenzo, et vite disquis, toute pèse vegrède ou ardache ne l'arbre d'ou arbio, avoir un mot de veo, gan doujans de zenendro. A spendo hansta le waena, au tisquez beb sortro, a trizeg mille dut, zo bet au vel ouze, de ce besclevet. A gueulerit ve calze dut au vond de vel de biozone bepla. Purion comes de ze voario, leur spasse zo bet d'or blam en roise, ag spas ve bakreiz mis gwen golog ba c'hoazan. Ka voudra din neus ket bet tiem de drouz blan me gant se, blan man, war anket ma trezen mont drompan, ka re din vije komp ze mur de se, ur bla yo el. Ma trezen e bar mod zo kude nou gant l'or bour douar, hein, kude nou vel un afer dou ma peusoan, petan man kude nou roaz gant kresk ne, de zo hont de gaz war gwer. Prise bouée de châtel, ou à enquête, et car Adine Evelgius, ou bet comme ze neptor de zé. On dra avec comme ze même stra de zé, mûr blâme et effet d'où un OGM, ou à hier et d'un dut, ou à hier de rachet de commence. Mais plus dur, un dut à garrache les autres. Dans ce trait, ma treize n'a que t'une mode, vu hier et d'un dut. Ou à enquête, sa mot de vos comptes. Azuroir, arre en montant, direg au nafer yeret, vel afer guad, pe afer en amiante. A gouscoud, azuroir, vos terres d'un trou, vide harzé, putur, evel juste stalio bras, en escalzer en de rastelet, ou en afer en orange gémet. Ou elle est vos pesamo de vos con. War armez, pe on komz deus bu e war armez, on de bouez e digora dir chasse. Un de el, oa digora dir chasse, hag oa vije kleve de chassourien hag chache, o val e dre ar parkou, o val e oa l'air an honiflet pe ar geden pe l'on de tel. Pe oan yaon, oa ive klujuri, ba parkeia, mais de vraiment neus ke kalstin deus besklevet, me reveleus ke de neu ma deo rog. Peus ke be gwell klujur i blan ma trezen, non, ve ke gwell et kalz. E brevran ze zo war dro ur milion de chassourien. Pe zora benefin deus brevran ze vro diantan e bro Europa evit de chassourien. Hag war aris zo daou dregan zo meret. A gansé, voilà, rid chasse, zo tientor, a faire un botret. De ce que calze ver, dans vond de chasse, yann. Ba département d'eau de Narvor, zo wardro, 12,000 chassour. Bon, pesser long de velar, et gand de chassour, yann. Gwelet meus a bidon zou et gansé, et a houlme de velar, et d'un muon. Houlmet pe ur pichon ne ve velar de blasol. Plus dur de zorins, ba département, velar et 100,000 bepla, zi a beobern. Hendel ve chasse, vini ve honiflet pe lapine ma peswan, mais je me sclève de ne ce que calze de cette île. Ou ce qu'on est en dro de bourg a zo ne ba mat, mais Hendel me zong de ne ce que calze tine. Gouskoud et Péwanyaou, mais voilà, deux oreilles, hein, bavrou, en me, bon, tramènera, non, me zan. Dernel, deux chassou, y'en a gav gouelar, chassal morgoui, pé lern, vejo, pé youret, oise. Youret, velar de chevreuil in galak, ag vejo in brezon, ag velar de chevreuil. Ya, mais youret, sans, n'a, han de londe. Blas ou vekav d'ive Kirvi, hein, Kirvi, Rinso, in Galak Velard, Serf de Zrins, Aizo, Oneb, Mad, Bavro, Am, Ze, Vijek, Gwel, Kaz, Alice, Gwegel, Vijek, Gwel, Ze, Mais, vraiment, Mais, Gwelet. Bon. Adi, vous attend, vos, de, Evel, juste, Namzor de Chassiel, Rievlek. Rievlek, Vela, Bekas, in Galak. Ah, non, non, n'y que des rues, Bavro, non, non, Zizo, dit, vous attend. Hag vichasse al tout de l'onde se fait une pliche de bep sort chache, hein, chache de chompose, pe chache de haloupe, hein, dire, chache de chompose, vel, un épagnol, hein, un épagnol et qui brocalag, hein, pe dire, c'était, ouais, hein, bon, à Hindels, au chache de haloupe à l'oualère l'onde. En dans, comme son temps de se politiquer, hein, vraiment, change mot. Très grand lasso, ou habite Krog Stad Broal de Zigrey Zénan, de la radée de Raygon Tom Galoud de Randvroyo. Hag Euroxé, hag Boué Roué, ou hein, tout d'or Galoud de Wa, Kreisenet Ba Paris. Mais de l'arbre d'Igrey Zénan, eux au stert, plus dur et chômet pont normat, puis un histor, a guide une idéologie jacobine, et vel juste. Hag PV classe digreisé, non, et vel juste et stert, hein, peut dire politicourien calznez aux jacobines, hein, jacobine de Gwen, jacobine de rue, à même aux jacobines de glace, puis ce Jésus en temps, mais boutso, à jacobine du mahan, mi ou armi. Bonne, c'est tu pereg, et d'y est, change un trou, hag vraiment, voilà, red, bah, rendez-vous au Braise avec l'asque de Jean Jalouarzé, un temps, vie monde, pis sa monde, mon Warog. Mais Alice, pis avec comme de se digreiser, non? Avec Red or Gamma de Warog, ago Gamma de Drin, vel un tango, pis Paul Kaplin, ma personne, hein? Mon de Drin à mon de Rog, vel arrêt, vel grand Marcel Billouz, hein? Ag, bah, gouvernement de Brohal, vraiment, Marie-Lise Le Branchu, Zoën Karp, de ze l'arbre digreiser, non? Ag velmezlar etar ba kuzul ranvro breiz manio labour a doar an dan vezen. Bet a bremañ ne meus ket klev kom skal de ze vena dur ur vro met ma trezen o vo an dra i benek e doar zi me meus tra. Zon joen de gomz dar de ze afer louan un dre ar munud met nan ket d'or ket dur an ayant skuiz pe heugen ma meus gant an afer ze benefit. Plus dur pez me soin de l'art de braise en moi au nebet bugrali, au nebet nuske kals, mais au nebet zo me mestra, hag zo tis ki brezon ek baskol, hag vugal ez un, de mjon, je glef e boun meulet, zikouret, enoret, puis dur gantem en am zor de zon vidor vro e vel just. A tout d'ur spi zo vidor vro en moi zo tre dawarn vugal ez un. A petra vegret, ne que zé tambet, au peur vis falde en muant ve moyen, manifesti en abde, vel wabet balouan de gendel, dilo jaune, dipeder gwege blanc, la cane de rostudi bano, au rose lo chantier beneket, azim me mestras au trau eusus, c'est tu pereg ne muske ronde de l'art tout peso bitram de daba, balouan aga balerel, ka lerel zo kudin ouem. À part de Namzor, ze veklet, penou bras, ze vro, robeur, discours, yoker, war guiriou mabden, war zevenadur, war un identité, les, hag benefine, un trochon, ma bourde d'un. Gwela rand Morgan, zo homme, hag zo, a zo konta, mais, gwela, chede, me mestra, evel juz, la un tro, vel moin. Bonne Hindel, bonne Zotro, plus jussor, on ne bat mal de dud, zo Radkrog, de Ziski Brezon, de Glambe, Wardro Pemildin, zo Heuer Hintelionons, on tombe Pebler, bah, on me, à tos d'homme, hein, bah, pur, de Vegret, bah, pombe de Vescon, Musguel, bah, Kala, Galerel, hag bon zezo an dra vat, bon pem mil dud zene ke kalz da ra, putur, breiz am zo 3 million de dud, mais bon, rede krogi an omo de penel. Hendel, zo kalz e drau bavro an an dramen, hein, bagad gwen gam zo li dan Deugen Diabla, Kalsedrog, Kalsegoeliuso, c'est tu même strave, on tombe plus jade, roi Bavro. Bon, c'est tu as, on tombe de spessodé, ve Bavro, à l'art, à randar, qui est navo, qui est norvégienne. Qui est navo, Eri. Qui est navo.